Tu as abusé du dernier 5 à 7? Viens nourrir tes neurones et retrouver la sagesse aux bibliothèques de l'UQAM. Hey, salut, c'est Peter McLeod. Hey, si vous avez pas encore goûté au sandwich de chez Dagwood, qu'est-ce que vous faites? Chez Dagwood, là, hey, ils font des sandwichs devant toi, puis là, ils mettent de la dinde, du jambon, du salami, comme tu veux. Hey, ils pognent pas ça dans des petits casseaux tout secs, ils arquent. Non. Ils tranchent la viande fraîche devant toi, puis là, ils te mettent la sauce Dagwood dessus. Dagwood, essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. C'est la place, c'est l'ambiance, c'est le wow. Et c'est la saveur Dagwood. Maintenant à Saint-Eustache et à la Chine sur Notre-Dame, angle 10e avenue. Des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Moi, j'entends absolument rien en background. C'est des affaires bizarres en studio à 70%. 70%. Vous frappez peut-être aider de la motte et de pattes, les membres de Les Dots. Ouais! Yeah! Là, présent live downtown. Vous allez downtown. Nous présenter votre toune qui est la 12e de l'album que j'ai pas eu le temps déjà? De faire parce que là on est un wow! petit peu de l'essence au début de l'émission. C'est dépanneur de chinois. Ouais, ça devrait être dépanneur de chinois. C'est le sujet principal, là, toi. Ben, voilà. Je pense que c'est important. Faut promouvoir les dépanneurs de chinois. Ouais. Parce que ça, les dépanneurs de chinois, ce qui est cool, c'est qu'ils achètent tout leur stock dans les supermarchés puis après ça, ils te le revendent à l'unité. Oh. C'est ça leur truc des bas prix. Vous venez d'entendre Pat, voilà, c'est vrai, hein? On écoute ça, on revient à 70% avec Les Dots et puis d'autres affaires. Là. Ouais. Dont Speed Demon. Faisions le cassoulet au cochon. Du cochon, du cochon. Et des saucissons la toulousaine sont piquées. Créneau de nom, faisions le cassoulet comme nous l'aimions. Sont piquées pour faire la fête entre cochons. What the fuck? Wow! Ben là, c'est parce qu'il faut mettre la publicité maintenant. Donc, on a mis les publicités qu'on devait mettre. C'est quoi qu'on a en background aujourd'hui? Israël, il aime ça être au courant. Ici, au courant, ici, là, c'est Spyro de Dragon 3, la soundtrack. Est-ce que vous connaissez Stuart Copeland, le drummer des Police? Bien sûr, je oui, le connais. Bien sûr. C'est lui qui a fait la trame sonore des Spyro 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, donc, voilà, on a du stock original de Stuart Copeland qui nous vient d'un excellent platformer. Oui, monsieur, de PlayStation. Ouais, sinon, ben, je te laisse commencer peut-être à nous faire une petite présentation de Pat et Lamotte qui se sont déplacés pour nous. Là. OK, Pat et Lamotte sont des membres des Dots, respectivement guiteux et drummeux. C'est un groupe que par leur Wikipédia, on sait pas mal pas rien, puis par leur MySpace. On n'en sait pas plus. On apprend qu'ils sont nés dans un météorite, puis que c'est bien fucké leur affaire. Wow, là! Je sais pas où c'est que t'as pris ça, là, mais t'as pas rapport. C'est des fausses informations. Premièrement, moi, Pat et Alex, on se promenait dans un champ. À Rimouski, tombe un météorite du ciel, il sauve, il craque un liquide vert en sort qui est radioactif, qui vient de la planète Rocaton. Ah ben. La substance dite est du rocalite. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle te fait boire beaucoup de bière et fait mouiller les femmes. Alors, et là, on a été contaminés et depuis ce temps-là, on répand la bonne nouvelle. Et voilà, ça doit pas être facile tous les jours d'être contaminé à la rocalite. Non, non, surtout qu'on combat la musique de marde. Est-ce que c'est de la légère? C'est-tu comme de la légère comme rocalite ou bien... Ouais, c'est bon comme un ouais, mais quand même 5%. Okay. C'est de la light 5%. Hey, mais moi aussi, j'ai une question là. Maintenant, j'ai commencé à me rattraper. Je me demandais, là, vous, SpongeBob, est-ce que c'est un modèle? Ben, je te dirais, pour les culottes trop hautes, oui. C'est fort. Parce que moi, SpongeBob, je l'aime pour deux choses. Premièrement, parce qu'il a des culottes trop hautes, puis deux, parce qu'il a remplacé le volcanosaure à la ronde. Qui était là depuis quelques années. Il y a un défaut, par contre, il n'y a pas de spongy pochette. Oh, il absorbe moins bien. Oui, c'est ça, moins bien que le Bounty. Mais moins bien que François Mascotte. Ou une suceuse de mousse. Oui, aussi. Oh, et voilà, qui, bien sûr, est influencé par la rocalite. C'est un lien, Colette, oui. Alors. Ah non, mais je me demandais, sinon, là, celle-là, faut que je la pose, là, parce que je la pose à tout le monde. Hein. Israël, est-ce que vous jouez au Magic? Non, j'ai jamais joué au Magic de ma vie. Par contre, quand j'étais au primaire, j'ai déjà joué à Donjons et Dragons, mais je m'en vante pas trop. Oh, puis toi, Lamotte? Il parle pas, là. Peut-être qu'on en a un. Écoute, parce que j'ai eu une expérience traumatisante. Puis depuis ce temps-là, je suis comme. Quand j'en parle, j'ai des papillons dans le ventre. Et, en tout cas, finalement, c'est fini. J'étais en convulsion, partant avec la bave sur le bord de la bouche. Fait que depuis ce temps-là, je touche plus jamais une carte de Magic. On considère que tu joues moins à Magic, finalement. Non, je me tiens très loin de ces choses-là. Et je méprise beaucoup ceux qui jouent à ça. Ah, donc on va peut-être passer à la question dont la réponse est Jonquière. Oui. La question étant? Étant, d'où ne vient pas Mario Dumont? Excellente question. Je me suis fait avoir mon propre jeu. Je reviendrai. Ah non, mais sinon... Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pose des questions sérieuses. Oh, tabarouette. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du monde qui s'associe aux potes pour vendre leur musique, genre Pantera? Tu sais, comme Bob Marley qui fume des joints pour être... Ben, la question qu'il faut se poser à Pantera, c'est est-ce qu'ils sont associés aux potes pour vendre la musique ou c'est le pote qui s'est associé à Pantera pour vendre du pot aux métalleux? Merci, ou excellente ben question. C'est le diable qui vend du pot. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois, j'étais allé au vidéoclub puis j'avais le goût de voir un show de concert de Pantera, fait que j'ai loué Pantera 3 et il y a aucune shot de concert. C'est juste des shots de eux qui boivent et qui se crachent dessus. Avec amour. Ben oui. Ben là, c'était des frères en plus. Ben t'sais. Ouais, c'est chumé. Ben c'est ça le métal, tu sais. Sinon, mettons, avec un casque de bain, là, est-ce que vous paraissez bien? Ben je sais pas, on essaiera. Avez-vous une marque de casque de bain préférée, une marque de confiance? Speedo. Moi, pour les gens qui m'auraient déjà vu, savent très bien qu'un casque de bain, ça me ferait vraiment pas bien vu que j'ai une face constituée juste de joues. Moi, je suis comme une grosse joue. Si tu me mets un casque de bain, c'est comme ça fait un genre de gros ballon. Hey les gars là, moi je pense que ce qui va arriver présentement, parce qu'on a quand même pas mal de stock assez varié, ouais, faut écouter Speed Demon. Oui, on a Speed Demon, mais là on va commencer par la toune thème du film Doc Savage, The Man of Bronze, l'homme de bronze, un film de 1975 qui est, je n'ai sûrement pas besoin de le rappeler, très très mauvais. Donc pour l'instant, on va écouter la trame sonore du dit film et puis revenir à 70% pour vivre des aventures fabuleuses avec les Dots. Yeah! Dépanneur de Chinois Rouge. Là, il y a comme la mise, il y arrive. Voici Doc Savage. Hey, on est sans nom. Ouais, mais là, on sera plus maintenant. Doc Savage arrive. La forteresse de la solitude de Doc Savage au fin fond du cercle arctique. C'est là qu'il se réfugie si souvent, loin de la banalité éreintante de la routine quotidienne, pour se concentrer et pour développer ses prodigieuses connaissances. Non, non, c'est calculé. Le but, c'était juste d'écouter le début de Doc Savage, un film qu'on va sûrement passer ici plus en longueur. C'est pas le meilleur film de tous les temps. C'est un petit peu comme quelque chose qui est assez désagréable. C'est un petit peu comme Barbie ou Super Nintendo. Oh, Nintendo, tu veux dire. Au Nintendo, c'est... Ah oui, c'est ça. Hey, mais tu t'es rendu à la fin de ça. Ouais, j'ai fait le tour. C'est rare. Combien d'heures de jeu, man? Tabarne! Ah! Hey, tu lances des poches de haki, tu te fais attaquer par des lampes. C'est quoi le rapport? Ah, j'étais vraiment, vraiment insulté. Bravo, je voulais en avant de tout c'est le monde. C'est quoi, tu l'as essayé? Oui. Ah, c'est ça. J'ai un émulateur. Hey, y a-tu un Ken là-dedans, quelque part? Oui. À la fin méchant? Ou... Non, c'est pas le boss de la fin. C'est-tu la celui surprise qui délivre. À la fin du show? C'est un peu le contraire de Mario, tu es une fille, tu as délivré un gars, un beau prince. Wow. Ah, c'est vraiment... Elle a-tu des champignons, Barbie? C'est des questions pertinentes. Est-ce que le but du jeu, c'est de se faire vomir? Mon Speed Demon est comme en train de tirer. Ok, ici, ouais. Il a besoin d'attention. Là, ok, remplissage. Oui, c'est ça. Fait qu'on va faire comme dans les retours à la maison. Ouais, c'est quoi? Avez-vous vu Eric Salvay hier? C'est excellent, vraiment. Je m'attendais pas à ça du tout et on va voir si maintenant ça fonctionne. À force d'avoir tout ce fun. Hey, c'est Speed Demon quand même, on peut pas le manquer. Il hey, y a des phrases aussi intéressantes. Peut-être que je pourrais parler. C'est là que t'as besoin d'un Eric Nolin. Un vrai, là. Un de secours, là. Bon, mais, ben, ou bien genre un gars qui te fait la circulation. Là. Dernière tentative. Ah ben non, il veut pas. Ok, ben je peux poser aux questions aux Dots ou ben je peux parler d'autres mardes. Vous comprenez ça de la marde? Ah, Dots, okay, pas mal ça, là. Je vais poser question. Hey, les Dots, là. Oui, Zach. Ça veut-tu dire comme les points ou ça veut dire comme un cadeau que tu donnes à ton beau-fils quand il se marie? Je vais prendre le deuxième. Un peu des deux. Ah ben... Les Dots. Ben, c'est parce qu'on voulait s'appeler les Pots, mais là, on associait potes et musique. On ne veut pas s'associer à ça. À Pantera t'sais. Non plus, pas trop. C'est ça, là, tu sais. Ah, OK. On a pigé une lettre, ça a donné un D, tu sais. Bon, ben, pour deux moi, points au Scrabble. On a essayé beaucoup le Bots, Zots, Tots. Chiotte. Saint-Félix, ça finit en hot. Vous êtes hot. Est-ce que vous avez essayé les crottes? Oh, là, c'est deux lettres. Là. Ouais, c'est ça. Parce ça coûte cher. Non, on voulait vraiment pas dépasser le plus que 4 lettres. Ah, mais vous, ça fait combien de temps que vous faites de la tournée, là, les Dots? Là? Vous avez fait des shows pour dominer la mort. Les Dots existent depuis pas 2 ans encore. Non. Année recrue de Sidney Crosby. Ouais. Année recrue de Sidney Crosby. Bonne année. Hein. Une excellente aussi. Année. Ouais, très bonne année, Ovechkin. Non, c'est pas Malkin. À part de ça, on pourrait plugger un album qui sort, là. Ça c'est vrai. On peut faire des plugs. Ouais, votre album sort, vous le lancez jeudi d'ailleurs. Puis on lance. Puis en plus, c'est le fun parce qu'il y a deux excellents bands pour le prix de. Aucun ben, parce que le show est 1$. Ouais. C'est le show le moins cher de l'histoire du rock. Quand t'as rien qui a été, genre 15 minutes. C'est où? Hey, man, t'as-tu une pièce? Je vais avoir un show. C'est au Café K.O. sur Saint-Denis, au coin d'Ontario, à 21h. Hey, c'est bien dit, ça. Ça hein? Bien sûr, c'est pour le lancement de l'album. Mais oui, c'est le lancement de l'album Sus Mamousse. Oui, qui sera chez. Tous les bons et mauvais disquaires. Tantôt, on a essayé d'estimer le temps de cogitage, de brainstorming pour trouver un titre d'album comme ça, parce que ça frappe, tu sais. C'est pas comme, mettons, le silence des roses de France d'Amour, qui était vraiment, comment dire, hautement classique. Vous y êtes allé pour quelque chose un petit peu en dehors. Hésitait, il y avait deux choix. Soit que c'était être un homme ou sus ma mousse. Ah. Fait que. On en a parlé longtemps, mais... Finalement, mais veux-tu vraiment voir l'histoire de Sus Mamousse? Ben oui. C'est vraiment simple. Quand on était au cégep, on faisait des parties, puis comme n'importe quel cégepien, tu sais. Puis un de mes chums, qui s'appelle Pierre-Olivier, il va être fier de que je dise à la radio que ça vient de lui, quand il ouvrait sa bière, puis que sa bière, elle moussait, puis que ça commençait à ajouter partout, il attendait à sa blonde, puis il disait « Sus Mamousse! » Ah, mais ben, c'est pas fou. C'est de là que ça vient. Ben Speed moi j'aime Demon. Ça c'est j'aime beau ça. Hein ben non hein, je pense Speed Demon va falloir en faire notre deuil là. Ah fait qu'on n'aura pas de la soirée ben non ben peut-être tantôt il va en avoir là. Peut-être je peux essayer avec un autre lecteur notellement puis c'est une question de codec là. C'est un point AVI Chris de ça veut dire qu'on pourra pas le regarder tout à l'heure ben là dis pas ça là. Hey Zad dis pas des affaires de main tu veux-tu me tuer sacrément non mais sûrement que non c'est parce que les codec packs ils ont pas les mêmes sur l'ordi d'où on est je suis pas sûr. De quoi? Non, ça me dit vraiment rien. Voilà, c'est pas vraiment important, mais hey, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez une fille? Ben. Je vais laisser à la motte, il y a tellement plus d'imagination que moi. Ah ouais? Ben, si j'étais une fille, c'est sûr que je m'appellerais. Tu te proposerais à puis toi-même. Je passerais une soirée torride avec la motte, là. Ah, ben, c'est pas c'est ça que je ferais. Fait que s'il y a des filles qui écoutent, venez au lancement. Le numéro est 529-0959. Puis c'est ça pour vrai. Je vais t'y transférer mon caisse. Hey, c'est quoi, là? Il en manque un de votre band aussi. Ben ouais, mais Al. Ouais. Al, il est en recherche de nouvelle carrière. Et puis, présentement, il est à l'Institut d'hôtellerie de Laval et il apprend à devenir un chef cuisinier. Oh, parfait. Parce qu'en tournée, on sait tous que le matin, on veut des crêpes et des gaufres. Fait que là, il apprend à faire les meilleures crêpes et les meilleures gaufres. Il apprend ça. Ça sent bien, son affaire. À partir de frisson. Ça a l'air qu'il commence ses premières recettes et tout. Ah, boy, check-le, là. Apparemment que la semaine passée, il a fait des crudités. Ah. Mais là, on va pouvoir rire de lui, vu qu'il n'est pas là. On fait tout ça en revenant de la tour qu'on s'en va écouter là. Ouais, on va écouter. Oui. Hey, je pense qu'on va aller écouter une autre niaiserie. Là. Ouais. Je pense qu'on va aller écouter le thème du vagabond, mais en anglais. Vous allez voir, ça donne envie de pleurer. Ça va me rappeler des souvenirs. Ah, c'est sûr. Vagabond! Fait que, bon, on revient à 70% avec les Dots et pas Speed Demon. There's a voice that keeps on calling me down the road. It's where I'll always be. Every stop I make a new friend. Can't stay for long, just turn around and I'm gone again. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow I'll just keep moving on. Down this road that never seems to end. When new adventure lies just around the bend. So if you wanna join me for a while, just grab your hat, come travel. just keep moving on. Just keep moving on. There's a world that's waiting to unfold. A brand new tale no one has ever told. We've journeyed far, but you know it won't be long. We're almost there when we paid our fare with a hobo song. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow I'll just keep moving on. So if you join me for a while, just grab your hat, come travel like that's hobo style. Maybe tomorrow I'll find what I call home. Until tomorrow, you know I'm free to roam. Ok, ben là, vu que Speed Demon se fait attendre, je vais vous parler de Final Fantasy 1 qui est sorti en 88, si je ne m'abuse. Deux jours, ça c'est vrai, par exemple, deux jours avant Phantasy Star de Sega. Fait, Final Fantasy, c'était un projet de Squaresoft. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Squaresoft avait plus de moyens financiers, puis ils ont décidé de faire un dernier jeu. Puis c'est de pour ça que ça s'appelle Final Fantasy, puis que ça a bien marché, puis qu'il y en a eu plein d'autres par rapport après, tu sais, je veux dire. Mais c'était supposé être le dernier jeu de Squaresoft, et c'est pour ça que ça s'appelle Final Fantasy. Je voulais qu'on arrête de faire les questions à propos de ce sujet-là, fait que j'ai dit les vraies affaires. Voilà, il vient de régler le problème d'une grosse population de gamer geeks qui trippent sur ce jeu-là. Et qui se disent, pourquoi ça s'appelle Final Fantasy 12? Ben oui, c'est ça. Parce que c'était un dernier projet et la compagnie allait fermer après. Mais ce n'est pas fut le cas parce que... Ah, puis Hironobu Sakaguchi dit que... justement, je suis pas bon pour faire des jeux d'action, j'aime mieux raconter des histoires, et c'est ce qu'il a fait, et il l'a très bien fait. Et voilà. Hey, Alex? Oui? Moi, il y a, hey, y a un certain Lamotte qui m'a dit que ta sœur était pas mal cute. Ah oui, t'as dit ça? Ouais. On est-tu en ondes, là? Oui. Bien sûr, Montréal. OK, puis on passe en ondes et on dit que ma soeur est cute. Non, c'est pas en ondes, ça a été dit, ça. Ah, mais t'as juste à pas être dit d'écouter le show. Ah, mais ça dérange pas. Ben voilà, oh, okay. C'est ça, ça pourrait être pire, là. Hey, est-ce que t'as loué, s'il y en a un qui a 100 piastres, je suis cassé de 5 sites. Ça a l'air d'être l'offensif du groupe. Lui, c'est lui qui a pété sur le dessus de l'album, hein? Ouais. Bon, on voit sa pochette, okay. que quand on est dans le bain de mousse... quand la photo a été prise, quelqu'un avait pété. Ouais, ça paraît. Et on voit, selon sa moue sérieuse, sa face sérieuse, que c'est lui, le coupable. Oui. Qui essayait de cacher son crime. Alex, en onde, ici à 70%, devant tout le monde, devant ta sœur qui écoute, est-ce que t'es capable de nous dire si c'est toi qui avais pété dans le bain avant de prendre la photo sur le dessus de l'album « Sus ma mousse » de Je devrais avouer que j'avais pas pris mon Imodium. C'était donc un extra pet sauce que j'ai fait dans le bain. Et voilà. C'est maintenant que tu nous le dis, sacrément. Là, j'ai eu des boutons sur les fesses pendant des semaines. C'est à cause de toi, je t'envoie facture. Et voilà. C'est dans mon jus de marde, effectivement. T'es-tu dans ta pause, là, dude? Absolument. Tu es en train de faire des profiteroles? Non, on fait des pâtes. Ah, des pâtes? Ah, c'est cool. C'est quoi, vous parlez c'est de quoi, la farine? T'as besoin d'un cours pour apprendre à faire des pâtes? Hey, saviez-vous que la pâte à frire a la même texture que le smegma? Hey, c'est vraiment des sages paroles. Est-ce que tu savais que la planète Saturne, si on la mettait dans un lac assez grand, elle flotterait parce que c'est la seule planète du système solaire à avoir une densité plus petite que celle de l'eau? Ah, ça, je l'ignorais. Il y en a. Je savais que j'apprendrais au moins une affaire en venant ici, t'as soir. C'est ça. C'est tellement hors sujet. Ce qui est un petit peu dommage, Alex, toi, t'as manqué une couple de séquences du film qui s'appelle Speed Demon. Et puis, Speed Demon, c'est un film de l'an 2000 qui a été réalisé par un gars qui s'appelle David Descoteaux. Et puis, en fouillant sur IMDB puis sur Internet pour amener un dossier complet et puis un fichier illisible, je me suis rendu compte que David Descoteaux restait présent à Montréal. Donc, non seulement c'est un réalisateur qui fait des affaires hautement questionnables, mais en plus, il est accessible pour nous à 70%. Et ça sent l'invité. Ça sent l'invité fort, fort, fort, parce que des fois, on invite ceux de la relève, des fois, on invite ceux de la moins relève. Là, la relève, c'est vous autres, là, les gars. Ah oui, ouais, c'est bien. Il pourrait faire notre vidéoclip. Ah, on a-tu une autre question pour Al avant que. Ouais, avant que ça. Veux-tu nous poser une question? Sa facture de cellulaire monte à. Al, pose-nous une question. Oui. Vas-y, c'est toi qui la pose. Faut que je pose une question. Ouais, ouais. Pose une question à Zal. Ben, une tu viens d'en poser, hein. Ouais. Es-tu dans ton 25%, Zal? Surtout quand je te parle. Comment? Ben, surtout quand je te parle, là. Ah, c'est très, très bien. Très, très bien. Ouais, ouais. Moi, je suis 100% de bonne humeur, en tout cas. All right. T'as fumé, mon cochon. Ouais, ouais, papi, papi. Hey, ben là. Fait que tu diras salut à Thérèse de ma part, Al. Hey, je voudrais dire que dans mon téléphone, votre entrevue sonne aussi bien que notre album. Ça veut dire que ça doit être assez incroyable. Mais d'ailleurs, parlant de votre album, c'est quelle toune de sûr que t'aimerais entendre? Quelle toune de notre album? Ouais, ouais, à part le dépanneur chinois, là, parce qu'on l'a déjà joué. Dépanneur des Chinois. Alors, allons-y avec I Just Wanna Fuck. I Just Wanna Fuck, là, là, moi, c'est parce qu'il n'y a pas de chiffre là, en arrière. Ben, c'est la dernière. C'est la dernière. 14. Ça veut dire, c'est la 14. Puis, est-ce que tu as un souvenir particulier avec cette toune-là? Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Un souvenir. Un souvenir, si ben, tu veux associer quelque chose. Ah, c'est cute. Fait qu'on va écouter I Just Wanna Fuck. C'est le choix de Alex, de bien sûr. Puis on se dit salut. Hein? Ciao, ciao, Al. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Jeudi, en tout cas. I never wanna fall in love again. It's too complicated to hide on the feelings. I don't ever wanna fall in love again. All I really need is a girl to get laid. Searching for the right one. Right now you see I'm just looking around to find a girl who will let me take up her thong, to find a lucky babe to take care of me all night long. Cause I just wanna fuck, I just wanna fuck, I just wanna fuck, I just wanna fuck, I just wanna fuck, I just want. Je pense qu'on est présentement en train d'avoir quelqu'un en onde spéciale qui voudrait parler. Fait que c'est à ton tour, inconnu. Allô? Allô? Elle était là tantôt. Oui. Oui, vas-y, là. Oui. Là, elle est en train de jouir, là. Oui, oh, oui, c'est à ton tour. Ah, jase-nous. Oui, ben je veux dire aux Doc là, que je les aime, là, puis que je suis une grande fan, là, puis que... Salut, G! Merci, Zuki! Ah, c'est tout cute! Hey, G, je t'écoute notre première entrevue à la radio! T'as rien à faire de mieux! Hey, G, tu nous comptes-tu une joke? Non! Je sais pas, t'as-tu une joke pour nous autres, G? Non, moi, je suis quelqu'un de plate, tu sais, je suis une avocate. Mais non, mais les avocats, ils ont tout un petit côté caché, hein? On espère. On le sait. Fait que moi, je t'ai déçu, tu sais, parce que t'es mon ami, je pourrais pas coucher avec toi. Là. Elle t'a mis dans le folder ami et voilà, c'est fini. Ben ouais, je pensais que c'était une admiratrice secrète. Non. Ça. Ben là, on va te remercier puis on va aller finir la tête. Merci, Gigi. D'autres aventures. Ok, ben bonne soirée, là. Puis ben on jeudi, on va être en feu. Yes, sir. Yes. Oui. Bye-bye. Salut. Ok, ciao. Bon, on va laisser finir votre tune. Ah, c'est pas fini, mal fini anyway. Ah, moi, je voulais transférer vers quelque chose qui me prend, qui me touche vraiment beaucoup. En fait, c'est que là, deux semaines, j'ai écouté Jesus Camp, qui est un film, je vous en ai parlé un petit peu avant. Puis, ouais. C'est un film, un documentaire traitant du fanatisme religieux américain en général et d'un camp biblique pour jeunes situés au Dakota du Nord en particulier. Mais doit-on rire de cette spiritualité poussée à l'excès ou en pleurer? Envoyer des enfants de 8 ans convertir des étrangers et des passants dans la, et des passants, bien sûr, voyons, dans les rues. Il me semble que Brian Washer des enfants à sauce républicaine en les faisant chanter la gloire d'une réplique grandeur nature de Bush, ça repousse un petit peu les limites de la bi-science. Et puis affirmer que le réchauffement planétaire et l'évolution, ce ne sont pas des hypothèses valables. Tu sais, je veux te dire, peut-être que c'est encore des hypothèses parce qu'on n'a pas des preuves définitives, ça reste quand même valable. On peut pas dire que c'est pas valable. Non, c'est ça. C'est fucké en esti, cette affaire-là. Une méchante gang de partis. Et puis là, ben sinon... c'est ça, eux autres, ils s'amusent à assassiner l'intelligence en développement en pensant que Dieu et Jésus sont maîtres de notre destin. Moi, j'haïs toutes les doctrines qui permettent aux gens de se déresponsabiliser de leur propre existence sans jamais rien remettre en question. Autant un drogué qui ne vit que pour son prochain fixe, qu'un sportif rendu accro à l'endorphine, qu'un militaire qui pose jamais de questions sur ses ordres, ou qu'un religieux fanatique qui croit que son Dieu est tellement meilleur que si moi je décide d'adorer une tasse de smoothie. Ça, amen. Voilà. C'est rare que je parle de religion aussi. Y a-tu vraiment une religion qui est une tasse de smoke meat comme Dieu? Oh, il y en a. Parce que moi, j'aime vraiment ça, le smoke meat. Ben, moi aussi, c'est ça qui arrive. Là. J'aime vraiment beaucoup le smoke meat. Tu vois comment tu serais vulnérable à la mode? À la mode. Quoi? Ton plat préféré, toi? Toi. La crème glacée vanille au smoke meat? Ouais, mais pas de smoked meat, mais des boulettes de viande. Ah, c'est bon. Pis toi, Pat, ton plat préféré? Mon plat préféré. Eh, mon Dieu, c'est dur, ça. J'aime bien les fruits de mer. Ah, ouais? Ouais, je trouve ça bon. Comme sain de manger un fruit de mer. C'est comme propre, c'est tout le temps dans l'eau, tu sais. Mais c'est bizarre, ça. Il l'appelle un fruit, mais c'est pas un fruit. Ouais, c'est pas vraiment un fruit. Hein. Tu trouves pas ça bizarre? Non, c'est poétique, là. Fruit de mer. Ah. C'est sûrement un poète qui a trouvé ça. Moi, je suis sûr que c'est un poète. C'est sûr. Wow. Quoi d'autre? Hein? Est-ce que vous avez déjà trippé en inhalant des produits, des solvants, du gaz, quelque chose? Avez-vous une marque de confiance? Non, parce que quand... la marque Rona, pas pire. Ça veut dire que tu l'as déjà faite. Dans une autre vie. Dans j'en suis mort. Puis t'es revenu sage et maintenant tu viens éduquer les masses. Je suis ressuscité, mais j'ai à peu près le même nombre de neurones qu'avant. Ah. Qu'avant ou après avoir inhalé? Dans le fond, je m'en rappelle plus. Ok, je pense que t'es en train de prouver ton point en t'exprimant de si belle façon. Il était comme en train de s'en. Ben oui, mais nos réponses préparées marchent pas avec ces questions. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez enregistré avec un gars qui joue dans un band de cover, mais vous autres, là, qu'est-ce que vous pensez des bands de cover? Moi, j'ai déjà joué dans un band de cover. Oui. On a fait un show. Puis après ça, je me suis rendu compte que je pouvais pas, genre, continuer à jouer dans des bands de cover parce que c'est plate de pas jouer ta musique. Effectivement, j'ai. C'est un t'es rêve. T'es déçu parce que c'était sérieux comme réponse, hein? Ben non, c'est non, mais c'est moi, c'est les questions sérieuses, je l'ai dit. La question sérieuse, réponse sérieuse. Hein? On planifie pas vos réponses, on n'est pas comme vous autres. Hey, puis, non, faut pas boire d'eau en studio, on se fait taper ses doigts. Ah ouais, ils sont de même. Bon, sauvages, des vrais sauvages, ça. Tu vois, il fait chaud en plus, comme monte la température qu'on enlève du linge. Ouais. Hey, puis toi, la motte, les bandes de cover, tu touches pas à ça? Hein? Ah, oh, j'ai déjà touché à ça, là. Mais là, c'est fini, là. C'est comme les soldats. J'essaie d'arrêter. C'est comme les soldats. Puis ta thérapie en quatre étapes, ça s'est bien passé? Ouais, c'est ça, mais des fois, mais quand j'entends une toune, mettons, de Foo Fighters ou de Guns N' Roses, j'ai comme penchant pour. Tu te réunis-tu avec d'autres mondes dans des salles, tu fais bonjour, mon nom est Francis Lamotte et j'ai déjà joué dans un band de cover. Les BDC, la vraie, tu bois du café, puis tu manges des bangs, tu retournes chez vous en pensant puis que tu après ça, tu sors au balouse! Wouh! Danser, là! Hey, c'est vraiment pas pire. Les sœurs. Hey, là, wow, hein. C'est pas votre log, c'est assez, là. On vient de parler de Jesus Camp, on va aller écouter une toune qui parle de Jésus. Ça va être soit du gros Jésus. Christian rock metal, là, c'est vous autres qui allez choisir, qui s'appelle Praise and Worship, ou ben donc une toune de gospel qui s'appelle Our God is an Awesome God. Ah, gospel. Gospel? Gospel oh, metal. Awesome God. C'est vrai. Mama, bring the love. Oh, yes. Notre Dieu à nous autres, il est vraiment hot. Fait qu'on écoute ça à 76%. Le Dieu du smoke meat. Le Dieu du smoke meat dans une tasse, j'insiste. Mais il est pas juif. Non. C'est l'invité la semaine prochaine. Bon, on écoute ça, on vient à 70%. Une tasse de smoke meat. C'est l'invité. just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God. The night. Our God is an awesome God. He spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. In judgment and wrath he poured out on Sodom. A mercy and grace he gave us at the cross. A hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God. Convaincu là, que notre Dieu est hot, sinon il manque quelque chose. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Petit pouce, aussi un index, un majeur, un gros pénis, un petit auriculaire, en tout j'ai 5 doigts. Hey, on est rendu au moment de l'émission où même si on n'a pas Speed Demon qui fonctionne, Pat dans le rôle des démons. Bonjour. Et bien sûr, la mode dans le rôle des véhicules. Bien sûr, bien sûr. Parce que Speed Demon, ça se veut quelque chose qui est une espèce d'expérimentation de mélange de satanisme, de films de char, et puis de toutes ces affaires-là, les vraies valeurs, tu sais. Et puis, au début, ça se passe que le gars, il revient de ses études à l'université, et puis là, ben, il se ramasse avec la gang choquée avec qui il se battait dans le temps de son cégep. Et puis là, ben, ça y est, on est parti pour une balade complètement folle au cœur du malaise. Quand pour carburer la puissance des médaillons démoniaques, on doit enlever ses pantalons, puis en boxeur serré, bien épilé, en bédaine et seulement en gars, on se flatte et on se fait une saignée bien spéciale avec la main. Plus fort les démons, ouais, j'aime ça, c'est bon ça. Et puis, Est-ce que vous avez envie de regarder ailleurs? Oui, c'est garanti. Sinon, ben, à partir de la course qui se tient à peu près à 12 minutes du début et l'explosion du char du frère du héros. Et voilà l'explosion de la mort du frère du char du héros. Ben c'est ça, ça devient personnel, on s'en doute. Ouais. Effectivement, le petit frère du héros auquel nous étions profondément attachés en 2 minutes de tape est décédé. À partir de l'explosion, donc, ça devient personnel. Et les 10 personnages du film commencent à décéder sur fond de tape cool à faire vendre des soundtracks fades et ainsi de suite. Tu as touché ma sœur. Et j'ai perdu mon micro. Et voilà. Mets-toi ce crucifix où je pense. Ah ben merci les gars, c'est fini. Non, on continue. Ah, j'avais tellement de fun. Attendez, c'est l'heure où est-ce que vous avez le droit de toucher le Slinky? Ah, est-ce qu'on a le droit? Yeah. Toucher le Slinky, je veux entendre le Slinky. Touche le Slinky, la main. Tu l'as mis où? Touche le Slinky, voilà, joue avec le Slinky. Touche maintenant, je veux que t'imagines une abeille. Je veux que t'imagines que t'es une abeille. Bzz. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que tu fais quand t'es une abeille? Et que t'as un Slinky dans tes mains? Ouais, si tu veux, là. Je fais du miel tire-bouchonné. Et voilà. Maintenant, donne la patte. Patte, touche le Slinky. Touche le Slinky. Vas-y. Tiens, oui, prends. Oui, voilà. Oui. Voilà. Non, mais là, pas là, par contre. Non, pas là, parce que je veux m'en réutiliser. Je veux le réutiliser plus tard. Et voilà. Maintenant, touche le Slinky. Et... Scores ou Saint-Hubert? Ah, Saint-Hubert. Saint-Hubert à faire la caisse, en toi, t'es Québec Believe? Ben, c'est pas une question de Québec, c'est que j'ai mangé chez Score une fois et j'ai eu la diarrhée le lendemain. Ah, ok, ouais. C'est plus par goût. T'avais-tu pris le bar à salade? Ouais. Oh! J'aime ça vivre dangereusement. Coliforme féco, hein, dans la salade. Hey, maintenant, on va poser des questions hautement standard. Ouais. Préparez-vous. Okay. Quels sont vos projets de carrière? Je vais laisser celle-là à la motte. Il est vraiment bon en carrière. En carrière, ben je viens de lâcher ma job. Toi qui viens, oui, on était là, on était témoins. Au double titre, coin similaire. Ontario, Saint-Denis. Vraiment, j'ai dit à mon boss, je rentre plus. Puis là, il a dit, je trouve ça un peu cavalier de ta part. Fait que finalement, j'ai donné 2 semaines. C'est peut-être parce que ça faisait 2 jours de suite que tu fakais d'être malade. Wow, j'étais malade. J'étais en dépression. Alors. On rit, là. Je sais pas si c'est drôle. Veux-tu un câlin? Non, c'est beau. Aujourd'hui, je suis correct. J'aime la vie, là. Ok, c'est bon. J'aime bien entendre ça. Mais, comme carrière, ben, on a des CD. Puis, on va les vendre à la date. C'est pas mal ça, là, la carrière. Là. Ben, toi, Pat, justement, tu te vois où dans 6 ans? Oh, sac. 6 ans, c'est ben trop loin. Je sais même pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Ben là, tu vas faire un show au Café K.O. Non, ça, c'est 7 semaines. C'est pour ça que je suis correct. OK, c'est ça. Celui-là, je te parle plus de lundi prochain vers 7h40. Mardi, 6 jours. Et puis, toi, Israël, c'est quoi ton plus gros défaut? Je pense que je suis opportuniste. Ah, man. Bon, je t'ai dit, si tu sors quelque chose comme perfectionniste, là. Ça, c'est, ouais, c'est pré-mâché, ça aussi. À question préfabriquée, réponse préfabriquée. Exactement. J'aime bien ça quand tu me poses des questions. Ouais. Je suis surpris. Hey, mais là, on est rendu au moment où on va se souffrir un début de Toon Dance poche des années 90 qu'on est content d'avoir attends, oublié. Attends, là. Pourquoi? Est-ce qu'elle vient de Dance Mix 96? Oh, yeah! On va sur les tables. Ah non, hein, tu veux pas trop, là, hey, c'est assez. Mais c'était pour nous rappeler. Hey, ça, j'ai mis ça à ma job quand j'ai été DJ, là, puis mon boss me dit pousse mes pouces égales. T'étais DJ où? Aux roquettes, là. Ouais. Et ça, que j'avoue que toi aussi, tu vis dangereusement. Ouais. Sinon, les gars, est-ce que vous savez jouer au crib? Non. Mon coloc m'a déjà montré, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Ça, c'est-tu les petites pinouches quand t'avances? Ouais, 15-2, 15-4. Avec des cartes, là. J'ai joué avec du monde qui s'est joué, puis j'avais l'air vraiment à cave, là. Parce que tu sais pas jouer. Je trouvais ça compliqué. Savez-vous planter des choux? J'ai déjà eu un jardin quand j'étais jeune, fait que j'imagine que c'est le même principe, peu importe le légume. Ouais, c'est pas pire. Puis ouais. Est-ce qu'il y a d'autres styles qui vous intéressent à part le punk, mettons? J'ai tous les styles. Oh, oui, de toutes. À part le dance, le hip-hop, et le gospel, le techno, le country, le gospel, le classique. Et la polka et la cha-cha. Je ne traite pas de jazz. Et le merengue non plus. Okay. Tant qu'on peut mettre de la distorsion dans la guitare, mettons. Ouais. Ouais, tant qu'il y a genre un drum, une bass, une guitare. Mais là, je vois tellement de monde sur le, dans le fabuleux monde de MySpace qui sont rendus des MC que j'ai vraiment le goût de me partir une page puis de devenir un MC moi aussi. Ouais, ça coûte rien. Écœurant, non, ben j'ai GarageBand sur mon ordi, tu sais, puis j'ai 3-4 loops que je pourrais utiliser avec des trompettes. Ça y est, t'as besoin de rien. Tu veux être dans mon groupe, ça? Ça va bien? Ouais, ouais, ouais. Je vais faire des backs. Tu pars déjà un side project, là? Quoi? Genre, on n'a même pas vécu l'enfer de la drogue, puis on s'est même pas disputé encore, puis toi, tu pars de ton bord. Hey, bon, ben, OK, là, on va relaxer l'atmosphère, là. Il y a l'air d'avoir de la chicane, Israël, contre une joke. OK, ouais, j'ai une pas pire joke, mais juste en anglais. C'est plate. Ah, vas-y. Pour nos auditeurs anglais, OK, What's great about making love with a 28 years old girl? She got experience? No, there's 20 of them. C'est excellent. Toi, la mode, t'en as-tu une? J'ai pas catché. C'est une joke bilingue. Ouais, c'est une joke, tu peux pas compter en français. Compte-nous une joke de pédo. Une joke comme tu veux, là, une joke de carotte. Là, une joke des mots, là, ouais. Ah, un matin, je me suis levé. J'étais. Non. C'est quoi, toi, tu vas raconter, tu croches, puis c'est ta joke des mots préférée. Fait que je disais, ce matin, je me suis levé, puis j'étais vraiment sûr d'être devenu un emo, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais juste dépressif et métrosexuel. C'est ça, ma joke d'emo. Ça, j'ai failli la compter avant. Un matin, je me suis levé, puis j'étais dépressif, puis métrosexuel, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais emo. Ben oui, ça pouvait être. Ouais, ça marche aussi. Non, c'est meilleur l'autre. Ouais, ouais meilleur, l'autre est meilleur. En tout cas, si vous avez des commentaires. Ah, moi, j'ai une bonne joke. Ben vas-y encore. J'en ai une mauvaise, puis une bonne. Bon, on va prendre la bonne. Laquelle tu veux? La bonne. OK. Ah, je vais prendre la bonne. Qu'est-ce que ça fait, deux tapettes dans le bois? Je le sais pas, mais j'ai vraiment peur de la réponse. Attends. Attends. Respect. Il y en a un qui est au boulot pendant que l'autre est. T'as chié une joke! Oh non! Avec un jeu de mots avec un autre nom d'âme. Si quelqu'un connaît la réponse, faites-vous appeler en studio. Appelez, je vais vous payer un déjeuner si vous appelez pour vous donner la réponse. Il faut finir la blague de. Ouais. Puis, qu'est-ce qui rock puis qui est dans le dos? Je sais pas, un tattoo. Oh, silence. L'épine d'ot sale. Les dots sales. Là, je pense qu'on va couper ton micro. Non, j'ai pas encore fait ça. Même pour les jeux de mots, là, j'ai pas encore fait ça. Des fois, ça démange, par contre. Mais là, je suis en train de chercher une toune. Ouais, si Speed Demon marcherait, on serait pas rendu là. Non, on est en train de parler de... Je vais vous poser une question. D'abord, en fait... Non, on va aller mettre une toune pour vrai. Là. OK, on cool. On va faire une petite dernière pause musicale. On va revenir pour le booker l'émission. C'est bon, ça. En fait, je vais parler de Kate Kendall, qui est une fille de Sherbrooke, qui est vraiment super chouette, puis qui a commencé à écouter mon émission. Puis là, on s'est comme à coquiner, puis en tout cas, whatever. Là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a envoyé des tounes qu'elle trouve de son coin du beau Québec, qui est le Sherbrooke, les cantons de l'Est. OK. Ce qui est beau, c'est qu'on va écouter présentement la toune qui s'appelle La Cour à Scrap, qu'elle a décotée de quelqu'un qui sait vraiment comment faire ça. Des tounes comme on aime ici, à 70%. Wow. Fait qu'on va écouter ça, puis on vient bien sûr pour le mot de la fin avec les dots. C'est Pat et la mode. Yeah! Yeah! Un, c'est un démon, l'autre, c'est un chat qui explose. Kaboom! Ouais, merci pour ça, les gars. I'm t'en vois plus. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. 3, 4, 6, 7, 9, 8, 1. C'est le numéro, la cour à scrape à Surcon. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Vroom, vroom. Si c'est pas du concret assez, ça, les gars, je sais pas ce que vous avez de besoin, sérieusement, sans niaise. T'as-tu emmené la cassette avec le passe de Ninja? Si j'ai... Ah oui, c'est vrai, j'ai une patente. J'aimerais vraiment ça que t'aies la mettre, s'il vous plaît. Oui, je vais faire ça. Pendant ce temps-là, pose une question, toi. Okay. Moi, j'ai un flash. Oui. Les deux tapettes dans le bois, c'est il y en a un qui est un peu plié pendant que l'autre est au boulot. Hey, c'est ça la joke. C'est, les jokes à retardement, c'est les moins bons. Ok. Toi, t'es. 4 ninjas maintenant. Ah. Et les autres hommes de leur équipe, cette nuit. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. On leur donnera des torches électriques. Cette nuit. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. Et voilà. Les ninjas ne se battent jamais la nuit. Non, c'est pour ça qu'ils s'habillent en noir. Ils s'habillent en noir. Des torches électriques! Ouais, si les ninjas s'habillent en noir, c'est sûrement pas pour faire du stealth la nuit. Non, non, non, non, mais ça, c'est jamais la nuit. C'est jamais. Mais penses-tu qu'un ninja blanc, c'est un mime? On se l'est souvent posé la question. En fait, vous, les gars, vous battriez-vous plus contre un ninja noir ou un ninja blanc? Un ninja rose. Sincèrement, j'irais pour le blanc. Ouais, ben, il y en a moins. Ben, c'est justement. Il n'y a pas de chance que sa gang arrive, genre. Ah, ça, j'avais pas Il est peut-être mais... comme tout seul dans sa gang, tu lui casses la gueule, puis après ça, le monde vient te voir. Ouais, à cause de toi, il n'y a plus de ninja blanc. Ouais, c'est ça. Oh non. C'était le seul. Mais c'est l'écosystème qui l'a refusé. Je veux dire, l'évolution, c'est peut-être pas une théorie, voilà. Mais c'est quand même une époque. Ben, c'est une théorie. Le ninja valable. Blanc est moins bien adapté. Et voilà, à la survie. À la nuit. Et voilà. J'entends ça. Ah, les gars, vous êtes cool. Ben oui. Peut-être qu'il se tient dans les forêts avec tes deux tapettes. C'est ça, il était un peu plié, l'autre était au boulot. Hey, question, Isa. Pour toi, oui. C'est quoi ton repas préféré? Moi, c'est le chili, je pense. Puis il y avait un gros hamburger à Copenhague. Là. On allait manger ça à côté de chez nous. Moi? À Copenhague, oui, c'était bon. Là. C'était un hamburger à 12$. Puis c'était gros comme trois repas. Puis j'ai une autre vite fait. T'aimes-tu mieux les ninjas ou les samouraïs, toi? Ah, les ninjas. Ouais, totalement. Oh, je sais même pas. Les samouraïs, c'est plate, c'est une question d'honneur. Les karatéka. C'est trop vague, ça. Parce que les samouraïs, comme les ninjas, peuvent être des karatéka. Ben, un gars en kimono, là. Ouais, ça c'est ben, plate. Souvent, ça. C'est surtout des samouraïs, eux autres. Ouais. Parce que les ninjas, eux autres, ils s'entraînent, ils sont trop hot. Ils s'entraînent pas ça. C'est ça. Au courant. Fait que, qu'est-ce qu'il nous reste? Là, ça va nous prendre un indicatif. Oui. Puis après ça va nous prendre un community codec pack sur cet ordi-là pour que ça arrive plus jamais ce qui vient d'arriver. Puis ça va nous prendre taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans les mains en étant content. Taper dans les mains, taper dans les mains, taper dans les mains en étant content. Si t'es un gorille. Non, non, là, vous allez nous faire un indicatif. Ça fait king. Fait que bonjour, nous sommes Pat et Lamotte. Ah, c'est ça un indicatif? Ouais, nous je pensais que c'était un temps adverbe. Mais nous avons 70%. Ouais. Okay, là, tu commences, je suis Pat, puis après ça, moi, je veux dire, je suis Lamotte. Bonjour, je suis Pat. Et je suis Lamotte. Vous écoutez présentement 70%, la meilleure émission du monde. Sur votre laptop. C'est les gars. Je pense que c'est justement ce qu'on avait besoin, peut-être. Ça va aussi vos codes d'écoute. Voilà, mais nos codes d'écoute sont en train d'exploser, mon gars. Ça, c'est le téléphone n'arrête plus, là. Regarde, pendant les BBM, ça va nous faire plaisir de revenir. Qu'est-ce que je fais avec l'album de WrestleMania? Oui, c'est vrai, c'était film. Mais as-tu la toune de l'Undertaker? Undertaker, ça marche. On va écouter The Man in Black, The Undertaker. Yeah! Atemi! De la troisième corde. Big boom. Saute, souplesse. Bon, ben, on va dire merci. C'est maintenant le mot de la fin. On dit merci. Merci à vous autres, là. Merci, là. Merci d'avoir invité. On est tous des amis et on n'oublie jamais, les amis, le bien dans l'univers va toujours triompher du mal. Puis la soeur, Alex, ça va-tu y aller? Ouais, elle va être là, c'est sûr. Elle va être là avec ses tatous. Avec ses tatous? Ouais. Ouais, super cool, la soeur Alex. Ben, mieux, là. Tatou le groupe de lesbiennes? Bon, ben, vous avez écouté 70%. Sans écouter Speed Demon, on s'excuse. Merci. Mais on Pedro. Va l'écouter après. On vient la semaine prochaine où on s'en va écouter ça juste à côté en lançant des acquis. Ça sera pas trop fort. Merci beaucoup, les Dots, encore une fois. Ça fut un plaisir. Et bon. Puis à la prochaine, on vous souhaite un bon lancement d'album. On le rappelle au Café Caro, bien sûr, jeudi soir prochain. Yeah! Soyez-y. Si y a des questions, vous connaissez rien. À la prochaine, tout le monde. Sus ma mousse. Sus ta mousse. Bah, yeah. Yo. the heart. It's the Macho Man talking to you right now. Let's rock. Dig it, dig it. Freak out, freak out. Oh yeah, this is the way it is. And I will be there with you when it happens. The past, the present, and the future all at one time. All gonna climb that mountain together, and we are together forever. Lundi 24 septembre, vous écoutez l'épisode 13 de Dans ta bulle, l'émission BD sur les ondes de Choc FM.